premier été à Warrenton. Franchement, les lentilles de contact dans la restauration, c'est génial. Faustine épluche des kilos d'oignons sans verser une seule larme. Et désormais, la vapeur s'échauffant du four n'embrume plus ses lunettes. Une page se tourne. S'il n'y avait pas ce problème d'ôter et remettre ses minuscules prothèses mucilagineuses, tout serait parfait. Las, le temps passe vite sans que l'expérience serve. Faustine reste pétrifiée devant sa glace, l'œil rebelle se fermant chaque fois qu'approche le doigt surmonté de ce corps étranger. Bizarrement, il lui est plus facile de replacer une lentille récupérée par terre. Souvent, elle regrette l'impossibilité d'une greffe. Bref, elle attend le moment où les choses se feront automatiquement. Alors, elle n'y pensera même plus. Pendant le séjour de Daphné, Maxime adopte un autre rythme de travail. Il part très tôt le matin, afin que la petite puisse dormir, puis vient la chercher vers 14 h. Il la balade dans la région, vers les Blue Ridge Mountains à l'ouest, au bord du Potomac à l'est, ou vers le célèbre cimetière d'Arlington, si impressionnant avec ses milliers de pierres tombales alignées sur le gazon. Souvent, il visite des endroits proches de ceux où Max joue le soir même. Ainsi, Daphné devient groupie pour la plus grande fierté de son père. Il arrive que Faustine les accompagne, mais seulement si elle a congé le lendemain. Il fait un tout petit peu moins chaud en cuisine, mais on est toujours en plein été. De plus, à mesure que les grossesses de ses chefs avancent, Faustine se voit investie de tâches supplémentaires. Désormais, elle est en charge des quiches et des crêpes farcies, en plus des fonds de sauce, des assaisonnements pour les salades et des farces pour les champignons. Allison et Bridget sont très contentes d'elle, au point que Philippe l'a récemment augmenté, son salaire a carrément doublé. Elle est passée de 1 à 2 dollars de l'heure. Philippe lui a demandé si elle ne voulait vraiment pas assurer la fonction de chef à plein temps, quand les filles seront en congé maternité. Mais non, désolée, Faustine ne s'en sent pas du tout capable. Du coup, il a commencé à mettre des petites annonces afin de recruter des cuisiniers professionnels pour cet automne. Dans quelques jours, Maxime sera en vacances. C'est alors que père et fille partiront dans un road trip touristique. Ils visiteront New York, Philadelphie, éventuellement le champ de bataille de Gettysburg, situé entre les deux qui a joué un rôle prépondérant durant la guerre de Sécession. Ils termineront leur périple par les musées de Washington qu'ils n'ont pas encore visités. Là, Daphné grimace, mais son père ne le voit pas. Il continue ses élucubrations. Le grand avantage, dit-il, étant donné qu'ils prendront la route du Nord, les autres vacanciers descendent en Floride, c'est qu'ils ne seront pas tenus de réserver les hôtels. Il y aura de la place partout. Plus tard, dans un sursaut de magnanimité, il interroge Faustine sur le comportement à observer au gré des circonstances. Manquant d'expérience et pour cause, la jeune femme hésite. Jusqu'à ce que, se mettant dans les chaussures de la fillette, elle retrouve en elle la mémoire de sa préadolescence. Elle suggère à Maxime de consacrer un peu plus de temps et d'argent à visiter des boutiques de fringues et des parcs d'attractions en lieu et place de champs de bataille et de musées. Daphné est une enfant, elle a besoin de s'amuser. Au diable l'avarice! Faustine sait bien qu'il déteste cela, mais puisqu'il lui demande son avis. Apparemment, ses sages réponses semblent convenir à son homme, qui part le cœur serein avec sa progéniture. Faustine se dit « Quel menteur, quel égoïste !» Il n'y a qu'à l'observer avec sa petite, il serait un père parfait. Et il me refuse un enfant en prétextant le contraire. Franchement, je n'y comprends rien. Ce n'est bien entendu pas ce qu'elle écrira à ses parents dans son rapport bimensuel. Il est hors de question qu'elle avoue à sa mère qu'elle avait raison. Maxime n'a pas tenu ses promesses et ne les tiendra probablement pas. Faustine s'est fixée pour règle, une fois pour toutes, de n'écrire que des choses positives. Elle aime bien raconter ses aventures quotidiennes et les parents semblent apprécier ses anecdotes. Ses romans fleuves, comme dit papa. Censurés de tout ce qui pourrait les inciter à se remettre en question. Maintenant que la jeune femme a réussi à mettre 6 000 km entre sa génitrice et elle, la plupart des tensions ont disparu. Elle se sent moins vulnérable, respire vis-à-vis d'adultes, de femmes, de compagnes, sans craindre ce surmoi permanent. Le rapport de force avec Maxime, inéquitable du fait de leurs 15 ans de différence d'âge, lui suffit. Quant à ses excès en tout genre, vaines tentatives de réconfort, il se passe très bien de témoins. Les parents, quand ils daignent répondre, parlent de leurs propres soucis. Les magasins de Lugano, et oui, il y en a deux, périclitent. Ils espéraient rencontrer le même succès qu'à Grasse avec leur vannerie décorée, mais finalement Tata Daisy, l'amie qui a appris le métier à maman, a déjà inondé tout le marché suisse. Le Tessin, comme le reste du pays, est pourvu de paniers à patates et corbeilles à l'aillette, et ce, malgré un excellent rapport qualité-prix. Qu'ils sont frileux, ces Suisses, hein. Maman écrit qu'ils prétendent toujours avoir oublié leur porte-monnaie à la maison. Bref, les Muller réalisent qu'ils ne s'en sortiront pas. Il faudra trouver autre chose pour gagner leur vie. Vu que maman est à 15 ans de la retraite, papa, lui, est trop vieux. Il est de 1921. Pour espérer trouver un poste à son niveau. Faustine leur écrit qu'elle fera le détour par la Suisse cet automne lorsqu'elle viendra à Paris renouveler son permis de séjour français. En l'absence de Maxime et Daphné, Faustine passe toutes ses soirées chez son nouvel ami Patrick, le gérant du motel voisin. Comme il le lui avait promis, il l'initie au vieux film américain, en plus des dosages savants de Martini. C'est ainsi qu'elle est tour à tour bouleversée par African Queen avec Humphrey Bogart et Catherine Hepburn, puis par Casablanca avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on. I'll hum it for you. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Et enfin, par qui Largo? Avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Faustine est fascinée par Lorraine, dont elle étudie attentivement la biographie. Évidemment, elle ne peut s'empêcher de s'identifier à une femme qui a épousé un homme de 25 ans, son aîné. Elle est contente néanmoins que ce ne soit pas tout à fait son cas. Elle sera veuve moins longtemps. Un soir, Patrick doit s'absenter. Elle lui demande de bien vouloir le remplacer au motel. Il lui montre les subtilités du standard, lui indique où se trouvent les serviettes et lui enseigne le fonctionnement de la machine à carte de crédit. Aucune réservation n'étant prévue pour ce soir-là, Faustine devrait être tranquille. De fait, personne ne la dérangera, sauf un client pour des serviettes supplémentaires. La jeune femme a récemment vu le film Psychose d'Hitchcock. Il n'en faut pas plus pour que son imagination travaille à fond. C'est en tremblant qu'elle monte ce qu'on lui demande. Ouf, rien ne se passe. Elle n'a eu affaire qu'à un personnage très arrogant, la regardant de haut, incapable de dire bonsoir ni merci. Au restaurant, Bridget arrive à son 8e mois et demi de grossesse. C'est presque un peu tard pour une baby shower. D'ordinaire, on s'y prend au début du 8e mois. Mais vraiment, elle n'a pas eu le temps avant. Un après-midi, elle invite ses meilleures amies, plus les filles du 67 Waterloo, y compris Alison, la femme du patron, et bien sûr Faustine. Cette dernière, ne connaissant pas cette coutume, se renseigne auprès de Colin. « Qu'est-ce que c'est une baby shower? Je suis supposée apporter quoi ?» C'est une célébration pour la future maman et son bébé. Au début, c'était destiné au premier bébé. Après, les commerçants s'y sont mis, comme pour Noël, la fête des mères, Saint-Valentin et Halloween. Et ça a dégénéré. Ça daterait d'une époque où régnait une très grande mortalité infantile. On préférait donner des cadeaux avant la naissance. C'est vrai que la future mère est encore disponible. Oui, et c'est l'occasion d'échanger une foule de conseils et tous les vêtements qu'on n'utilisera plus. C'est rare que les showers soient mixtes, mais ça arrive. Beaucoup d'hommes s'ennuient dès qu'on cause péridurale, hémorragie, hémorroïdes et allaitement. Ils veulent bien participer aux 3 séances prénatales à l'hôpital, mais il ne faut pas leur demander plus. Pourtant, un accouchement, surtout le premier, ça doit être bouleversant comme expérience, non? D'où l'importance de ces rencontres prénatales qui permettent de calmer bien des anxiétés. Je vois. C'est génial comme idée. J'instaurerai ça en France quand j'y retournerai. Là, je suis invitée à la baby shower de Bridget, la chef du 67 Waterloo. Qu'est-ce que je pourrais lui apporter? Des couches! Apporte-lui un camion de couches, ou mieux, des couches lavables. Bridget est très écolo et elle ne roule pas sur l'or. Tu sais si elle possède une machine à laver? Oui, elle m'en a une. Elle m'a avoué que c'était sa seule exigence matrimoniale. Elle se fiche d'avoir une alliance, mais elle ne lavera jamais son linge à la main. Alors vas-y pour des couches lavables et apporte-lui ton super gâteau au chocolat tant que tu y es. Elle va adorer. Reçu 5 sur 5. Merci, Colline. Ainsi fut fait. Le jour J, Faustine est coincée sur le canapé en sandwich entre Cathy et Dorothy. Pour une fois, elle n'a pas eu droit à la grande scène du « Surprise !» Elle est chanceuse, comme on dit au Québec. Cette fête-là a été prévue depuis longtemps à l'avance et déjà reportée 3 fois. Ceci explique cela. Faustine aime beaucoup la déco chez Bridget, surtout l'immense métier à tisser qui occupe la moitié du salon. Les filles ont bien travaillé. Une table supporte des dizaines de cadeaux en rubané. Une autre, un buffet conséquent. Il y a tellement à manger, pour si peu de monde, qu'on se demande comment les pieds de la table ne plient pas. Bien centré, un cadeau rectangulaire rose et bleu porte la mention « Welcome Baby ». En 1981, les échographies ne sont pas systématiques. On imagine le sexe du bébé d'après la forme du ventre et la façon de le porter. Bridget trône dans l'unique fauteuil. Les filles occupent canapé et moquette. Cathy, la future marraine, distribue les cadeaux, l'un après l'autre. La future maman déchire les emballages en poussant des exclamations d'usage. C'est la première fois que Faustine la voit abandonner son rôle de femme forte et devenir une future maman sentimentale et vulnérable, incroyablement touchante. La panoplie s'étend du hochet au drap de lit en passant par les habituelles brassières et assiettes à réservoir d'eau chaude. Comme prévu, les couches en tissu reçoivent un excellent accueil. Sitôt le déballage terminé, on part à l'assaut du buffet. Faustine admire le boulot. Elle n'est pas la seule à s'être donnée. Canapé au thon, au saumon, crackers divers, brownies, tartes, jus d'orange, thé froid et faux champagne. Alcool proscrit, bien évidemment. La seule chose qui cloche, c'est le gâteau. 1 cm de sucre glace coloré au E122 et E131 sur une génoise en caoutchouc. C'est une punition, ce truc, grommelle Faustine qui s'étouffe, heureuse d'avoir choisi un morceau minuscule. Elle se méfie des brownies. Heureusement, il reste un peu de sa marquise au chocolat. Dorénavant, elle apportera chaque fois un dessert mangeable dans ce genre de sauterie. Malgré le manque d'alcool, Faustine apprécie cette convivialité simple et joyeuse. Surtout, elle aimerait être à la place de Bridget. Est-ce que ça va vraiment lui arriver un jour? À la maison, elle retrouve Maxime et Daphné, tout juste rentrés de leur grand tour sur la côte Est. La petite ne tarit pas d'anecdotes. Les musées, les restaurants, les paysages, mais encore les magasins, les amusement parks et même une fois un cinéma. Parce que le film était sous-titré. Elle a adoré New York, un peu moins Philadelphie, mais dans l'ensemble, elle est ravie de son séjour. Elle ne souhaite qu'une chose, passer une année scolaire chez son père. Ce dernier ne se prononce pas, mais laisse la porte ouverte aux bonnes nouvelles. La soirée a été longue, tout le monde est épuisé. Dans 2 jours, Daphné rentre à Cagnes et demain, 29 juillet 1981, Charles d'Angleterre et Diana Spencer se marient. Tout le pays sera collé au petit écran et la fillette est attendue chez Colin pour une dernière après-midi de vadrouille. C'est elle-même qui s'est proposée puisque Faustine sera en cuisine et Maxime au bureau. La terre n'en continue pas moins de tourner.